Nous avons appris hier la mort de Danny Lane, ex-Moody Blues, ex-compagnon de route de Paul McCartney pour les Wings. Et nous avons décidé de lui rendre hommage ce soir, avant la saga des Fab Four consacrée à John Lennon, avec une chanson qui était en live sur l'extraordinaire live Wings Over America. Voici Go Now, chanté par Danny Lane, une sorte de dommage que la saga des Fab Four rend à Danny Lane, au service rendu à la communauté musicale, et aux Beatles, et aux Wings, et à tout ça. A réagi à la mort de Danny Lane hier à 21h. Il a écrit « Je suis triste d'apprendre la mort de mon ex-pote de groupe Danny Lane. J'ai beaucoup de bons souvenirs de mon temps passé aux côtés de Danny Lane depuis les premiers jours où les Beatles avaient fait une tournée avec les Moody Blues. Nos deux groupes avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre et s'amusaient beaucoup ensemble. » Danny Lane a rejoint les Wings dès le début. C'était un chanteur et un guitariste exceptionnel. Sa performance la plus exceptionnelle est probablement Go Now, qu'on vient d'entendre. Une vieille chanson de Bessie Banks qu'il chantait brillamment. Lui et moi avons écrit quelques chansons ensemble, la plus réussie étant Mull of Kintyre, qui a été un grand succès dans les années 70. Nous nous sommes séparés, mais ces dernières années, nous avons réussi à rétablir notre amitié et à partager des souvenirs de notre époque ensemble. Danny avait un grand talent et un bon sens de l'humour. Il manquera à tous ses fans et ses amis se souviendront de lui avec beaucoup d'affection. J'envoie mes condoléances et mes meilleurs vœux à sa femme, à Elisabeth et à sa famille. Peace and love, Denny. Ce fut un plaisir de te connaître. Tu vas nous manquer à tous. Et c'est signé Paul McCartney. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 582, il me semble, hein, oui, je crois bien. Et c'est une saga consacrée entièrement à John Lennon, puisqu'on est proche du 8 décembre, date de sa disparition, hélas. Donc, nous avons choisi de le faire, je crois, de manière chronologique et surtout depuis les Beatles, parce que malheureusement, John Lennon n'a pas eu le temps de développer énormément d'albums en solo. Donc, si on veut tenir deux heures et pas mettre toutes les chansons de chaque album, il faut commencer par, ça c'est pour une information pour Rook, 14 chansons signées du temps des Beatles. Voilà, 13 chansons. Voilà, donc on écoutera, je vous donne les 5 premières. Strawberry Fields Forever, Lucy in the Sky, A Day in the Life, I'm the Walrus et Dear Prudence. Autant vous dire qu'il y a quand même du beau monde. Je vous retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et on va passer 2 heures et un petit peu plus, puisque ce soir Eric n'est pas là. On va terminer la programmation sans rien enlever et j'espère que tout va bien se passer, que vous allez être présents sur le groupe Facebook La Saga des Fab Four. Parlez-en autour de vous, c'est tous les mercredis de 20h à 22h et parfois un peu plus sur www.rigfm.fr et sur 90.7. Voilà, vous savez tout, place à la fin du générique et puis juste après on démarrera avec Strawberry Fields Forever sur RIG. Directement avec un masterpiece, Strawberry Fields Forever sur RIG. Strawberry fields forever. disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Ouais, c'est Lucien de Scary Zaman. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope we petit bonjour à Lucie, la fille de Diane et de Fabrice du Twist and Crêpe à Talence, qui grandit de plus en plus. Un de ces jours, elle aura 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Voici A Day in the Life, toujours sur le même album, Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, les Beatles en 1967. Vous êtes sur RIG. I read the news today, oh boy, about a lucky man. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. Seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. I read the news. Pascal sur Facebook. Marc, quelle inventivité dans cette chanson, quel chef-d'œuvre. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à ce moment-là, même si Paul McCartney avait un petit peu pris la tête du groupe à partir de 1967, il y a encore de très très très très bons moments avec John Lennon, des éclairs de génie, comme par exemple cette chanson. Je suis le Morse, Kukuk Jube, 1967 aussi, mais pas le même album, l'album Magical Mystery Tour. Vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four numéro 582, une spéciale John Lennon pour lui rendre hommage. Tuesday man, you've been a naughty boy, you let your face grow long. Service to the village. You have a microphone to stand in your time. Je vous ai mis les toutes dernières versions, celles de l'album bleu 2023. Alors bien sûr, sur l'album bleu, il y a des remixes, des coffrets qui sont sortis en 2017, 2018, 2019, quand il s'agit de Sgt Pepper, du White Album ou de Abbey Road. Mais qu'est-ce que c'est bon à écouter au casque. Là, je vous assure que c'est pas la peine de venir frapper à la porte, je n'entendrai rien. Tout le début de l'émission, je ne l'écoute qu'au casque, j'entends des sons que je n'ai jamais entendus. Et ça doit faire quelques milliers de fois que j'entends la plupart de ces chansons-là. Bon, alors bref, nous avons écouté depuis le début. Alors, Go Now, forcément, en hommage à Denny Lane. Il y a eu également Strawberry Fields Forever, puisque là, on rentre dans le spécial John Lennon. Lucy in the Sky with the Diamonds, A Day in the Life, I'm the Walrus. Avant d'écouter Dear Prudence, Glass Onion et d'autres, on va vous parler de ce qu'il faut savoir pour, enfin, où il faut aller pour tout savoir sur les Beatles. Et pour ça, il faut savoir qui est Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur BeatlesMagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. John Lennon n'était pas satisfait de son boulot à lui. Il estimait que, globalement, ce qu'il avait fait pendant les Beatles, c'était presque tout bon à jeter, à part peut-être deux ou trois trucs. Non, il a fait de sacrés chefs-d'œuvre, certainement motivés par son pote, parce que c'était son pote, Paul McCartney. L'un faisait quelque chose, l'autre se disait « Ah ouais, t'as fait ça ? Eh ben moi, je vais faire ça. » Et c'était encore mieux. C'est ce que me disait ma sœur, qui est un peu plus âgée que moi. Elle a 12 ans de plus. Elle me disait « Parce que nous, on s'en rend pas compte avec le recul. Tous les deux mois ou trois mois ou quelque chose, ils sortaient quelque chose avec les Beatles. Et on se disait, c'est merveilleux, on peut pas faire mieux. Et bien, trois, quatre mois après, il y avait un nouveau 45 tours et c'était mieux. Pareil pour les albums. Ils peuvent pas faire mieux. Ben si, l'album suivant était encore mieux. Maintenant, on a tout tout de suite. Mais à l'époque, c'était quand même une sacrée évolution. Dans les années 60, jamais, je pense, la musique pop, en tout cas, n'a évolué aussi rapidement. Elle le fera pas plus tard. Qu'est-ce que ça a évolué? C'est dingue. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, no, no. I'm so tired, I don't know what to do. I can't stop the rain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know. parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Often what I say is meaningless, but I say it just to reach you, l'album blanc là, et c'est quand même du très très très très bon. C'est un spécial John Lennon puisqu'il est décédé le 8 décembre, il y a déjà 43 ans, c'est dingue. Nous sommes le 6 décembre, ça ne tombait pas un mercredi le 8, alors j'ai décidé de précéder la date, j'aurais pu le faire mercredi prochain, mais bon, c'est tombé comme ça. Et donc c'est un spécial Lennon. Du coup, je ne peux pas passer birthday pour souhaiter un bon anniversaire à Victor, mais je le pense très fort, bon anniversaire à toi mon gars. Et ben pour toi, cette saga t'est dédiée. Nous sommes passés en 1969. Come Together sur RIG. Yeah. reste sur l'album Abbey Road 1969 avec une chanson dont les paroles sont d'une simplicité à mourir. Mais quelle belle chanson. Dans les 7 minutes, est-ce que je peux voir 7 minutes 47 pour être exact? Et ça finit brusquement. I want you, she's so heavy. C'est John Lennon sur RIG. Driving me mad. dur étant de s'empêcher de continuer à laisser courir le disque. Parce que Abbey Road, c'est quand même une sommité, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pour faire ce son-là de Because, McCartney, Lennon et Harrison se sont chacun enregistrés 3 fois. 9 voix pour obtenir ce son. Et quel superbe son, nous n'étions qu'en 1969. Voilà. On termine ce tour d'horizon Beatles de John Lennon. On va attaquer après John Lennon en carrière solo avec 2 titres de l'album de 1970. Oh, dirty Maggie May, today I've taken her away. And she never walked down life streets anymore. Oh, the judge she guilty found her. The part of Liverpool did it to me too. £2 a week, that was my pay. Oui, là, c'est plus un amusement qu'autre chose, mais c'était pour parce qu'on le passe rarement, ça. Voici le titre que je voulais vous passer. Across the Universe, le mix de 2021. Écoutez-le au casque sur RIG. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy. Possessing and caressing me. Après un un 33 tours qui s'appelle Abbey Road. Je suppose que le public à l'époque n'était pas du tout préparé puisque tout avait été caché à une séparation des Beatles. Alors, lorsque le 1er juin 69, John Lennon à l'hôtel Reine Elisabeth à Montréal enregistre Give Peace a Chance, il va continuer, hein, et ce sera la dernière fois, à marquer que la chanson a été créditée Lennon-McCartney. Mais il ne le fera plus à l'avenir. C'est une chanson forcément complètement écrite par John Lennon. Elle est sortie seulement quelques jours plus tard, puisqu'elle a été enregistrée, enfin quelques jours, un mois à peine plus tard. Elle a été enregistrée le 1er juin 69, et elle est sortie en Angleterre le 4 juillet et le 7 juillet aux États-Unis. Voici la chanson « Give Peace a Chance » sur RIG. Yeah. Dans cette chanson, Lennon invite simplement à donner une chance à la paix dans le contexte, entre autres, de la guerre du Vietnam. Il s'agit donc d'un hymne à la paix. Les couplets ne possèdent pas de vers véritables, mais sont simplement des suites de mots ou de noms avec quelques touches d'humour. Le refrain, répété en chœur tel un mantra, est « All we are saying is give peace a chance ». Tout ce que nous disons, c'est « donne une chance à la paix ». On note que dans la quarantaine de personnes qui étaient présentes dans cette suite à l'hôtel au Canada, il y a une certaine Petula Clark. Eh oui, chanceuse. Spécial John Lennon dans la saga pour rendre hommage à John avec deux jours d'avance. Working Class Hero sur RG. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Extrait de son premier album solo, vrai album solo post-Beatles. L'album s'appelle Plastic Ono Band, sorti en 1970. C'est considéré comme l'une des chansons les plus cinglantes et ouvertement politiques de John Lennon. Working Class Hero explore les thèmes de l'aliénation et du statut social, de l'enfance à l'âge adulte. Cette chanson exprime le ressentiment de Lennon vis-à-vis des idéologies qui manipulent les masses. Elle dénonce, entre autres, la société de consommation. Elle a été controversée car elle fut l'une des premières chansons populaires à contenir le mot « fucking » deux fois en plus. Contrairement à l'édition originale US, certaines éditions, dont celle australienne, voyaient le texte imprimé sur la pochette intérieure de l'album contenir des astérix en remplacement des mots obscènes. Les notes de bas de page indiquaient qu'elles avaient été censurées à la requête de la maison de disques EMI. En Australie, on écoutait même la chanson sans ces mots. La chanson renvoie au style folk et engagé de Bob Dylan, des premières chansons telles que Free Willing Bob Dylan en 63 ou The Time They Are Changing en 1964, tant au niveau des paroles que de la musique. Cependant, Lennon a dit, et il avait raison là-dessus, ce n'est pas parce que on joue simplement de la guitare sèche que forcément on imite Bob Dylan. On a peut-être simplement envie de jouer avec de la guitare sèche et de chanter ce genre de chanson. Ça n'appartient pas qu'à Bob Dylan. Bon, en 1971, un an plus tard, il va faire celle que, si vous arrêtez un quidam dans la rue, quel qu'il soit, et si vous lui dites « Est-ce que tu connais une chanson de John Lennon après la séparation ?» D'abord, j'en ai connu qui m'ont dit « Imagine, c'est pas des Beatles ?» Non, c'est pas les Beatles, c'est de John Lennon. Et effectivement, c'est sa chanson la plus connue. La voici. La radio des Beatles. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. just a jealous guy. De 1968. En tout cas, la musique, puisque à l'origine, elle s'appelait Child of Nature, mais comme elle faisait une sorte de redite par rapport à Mother Nature's Son de Paul McCartney, John Lennon avait gardé cette chanson sous le coude, dans un tiroir. Il l'a ressortie en 1971 sur l'album Imagine, en changeant complètement les paroles. Ça n'a rien à voir avec les paroles d'origine, mais il a gardé l'air et... il a dit « Je ne suis qu'un mec jaloux », ce qui est quand même plutôt vrai quand on voit comment il réagissait avec les femmes. Bon, nous allons oublier l'album de 1972, il y a 2-3 trucs bien dedans, mais la plupart du temps c'est beaucoup trop politique, beaucoup trop Yoko Ono-isé, donc je préfère ne pas en passer. Nous arrivons en 1973 avec « Mind Games and Intuition » à la suite sur RJ 90.7. On rend hommage à John Lennon ce soir. Cette chanson, vous allez peut-être l'entendre à la fin, s'appelait à l'origine Make Love, Not War. Mais il a estimé que c'était un peu trop facile. I use my intuition, it takes me for a ride. But I never understood other people's superstitions, it seemed like suicide. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. And I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Intuition takes me there. Intuition takes me everywhere. Well, my instincts are fine, I have to learn to use them in order to survive. And time after time, confirmed an old suspicion, it's good to be alive. I'm deep down and out, and lose communication with nothing left to say. It's then I realize it's only a condition of seeing things that way. Intuition takes me there. Intuition takes me. John Lennon avait apparemment une relation particulière avec le numéro 9. Il fera une chanson qui s'appelle... c'est quoi, c'est Number 9 sur, ah oui, Revolution Number 9 sur l'album Blanc. Je la passe tellement peu souvent, c'est-à-dire une fois tous les 15 ou 20 ans, que j'avais oublié son nom. Je ne l'écoute pas parce que c'est inécoutable. Bon, enfin si on veut sonoriser un film d'horreur, on peut. En fond, vraiment en fond. Bon. Mais beaucoup d'événements de sa vie étaient arrivés le 9. D'abord, il est né le 9 octobre. Son fils, Sean, est né le 9 octobre aussi. Alors là, une chance sur 365, voire même 366, si c'était tombé un jour d'année bissextile. Il y en a même qui ont dit il est mort le 8 décembre 1980 à New York. Oui, mais en France, par exemple, comme il est mort tard le soir, vers 21h, je crois, à New York, il était plus de 3h du matin et on était donc le 9 décembre. Oui, alors là, je pense que c'est chipoté quand même, parce que c'est trop facile. Là, c'est complotiste, il est mort le 8 décembre, voilà. Mais il a écrit une chanson en 1974 qui s'appelle Number 9 Dream. Et c'est celle que nous écoutons maintenant sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. tous les poussés, bien sûr. Oui, il suffisait de le dire. C'était John Lennon en 1974, cette même année. Et c'était l'année du Lost Weekend. Vous savez, ce qui a duré une année quand même, au moment où Lennon, John et Yoko Ono se sont séparés. Elle, elle est restée à New York s'occuper des affaires. Et elle lui a dit, tu files à Los Angeles, je te mets dans les bras mes pingues, je la connais, elle va s'occuper de toi. Mais on ne fait plus rien ensemble pour l'instant. Et John Lennon était complètement perdu. Parce que sous ses allures de grand garçon dur à cuire, c'était un enfant qui avait besoin d'amour, etc., etc., etc. Bref, il ne se sentait pas bien, il n'était pas sûr d'être vraiment si bon que ça. Et Elton John, à l'époque, en 1974, lui, était une star archi-montante, ça marchait très très bien pour lui. Lennon lui fait écouter des maquettes et Elton John lui dit « Cette chanson-là, Whatever Gets You Through the Night, ça va te faire ton numéro un. J'en suis tellement sûr que je vais participer à cette chanson avec toi, si tu veux bien. Et si ça marche, tu apparaîtras dans un de mes shows pour chanter des chansons avec moi parce que c'est comme ça, c'est le pari. » Ainsi fut fait et Lennon a eu enfin un nouveau numéro un, alors que ça ne lui était pas arrivé depuis un moment. Il a accepté de faire partie du show de Elton John. Il a chanté des chansons telles que « I saw her standing there » en disant « C'est une chanson d'une vieille fiancée à moi, Paul McCartney », mais il va la chanter. Il chante « Lucy in the Sky with Diamonds » et aussi une autre chanson dont le titre me sort de l'esprit pour l'instant. Si je le retrouve, je vous en parlerai. Voici « Whatever Gets You Through the Night » sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 582 en hommage à John Lennon. Petite histoire, c'est sur ce concert-là qu'une certaine Yoko Ono est venue dans les premiers rangs. Et ils se sont retrouvés et puis ça a redémarré de plus belle, etc. Bon, c'est très très bien. Quelles sont les trois chansons? Vous allez me dire, je vous en ai cité deux, mais pas les trois. Alors les trois chansons, c'est Lucy in the Sky. Ah bah oui, forcément. Il a chanté Whatever Gets You Through the Night. Et également la chanson I Saw Her Standing There. Voici les trois. Bon, eh bien, et il ne me reste plus qu'à continuer la saga avec, en 1975, il sort un album qu'il a commencé en 1973, continué en 1974 et qui n'est sorti qu'en 1975. Tout ça pour une histoire de droit sur la chanson Come Together. Il avait emprunté des paroles à un artiste et cet artiste l'avait attaqué. Enfin, la maison de disques, en tout cas, en disant « C'est du plagiat, donc vous devez... » Par exemple, on peut se faire un accord, vous chantez des chansons et les droits d'auteur viennent à mon poulain, et comme ça, on est quitte. Alors du coup, Lennon va faire un album qui s'appelle Rock'n'Roll, avec aucune chanson de lui, mais les chansons qu'il aime bien, qu'il aimait bien dans sa jeunesse, et notamment celle-ci, par exemple, la chanson « Stand By Me ». Je dois avouer que la première fois que j'ai écouté cette chanson-là, je pensais qu'elle était de John Lennon, alors que l'original, je pensais que c'était une reprise. En fait, c'est l'inverse. Amis depuis plus de 20 ans, je lis dans les pensées d'Éric Gallo qui est en train de nous écouter caché sous ses couettes, ses doudounes et tout ça, Lorsqu'il m'a entendu mon intervention juste avant, il s'est dit « Ah, Thierry, tu ne te rappelles plus qui est l'auteur d'origine de cette chanson Stand By Me ». Donc j'ai un petit peu noyé le poisson. Tu n'as pas tort, Eric, tu as raison de penser ça. Je ne me souvenais plus que c'était Benny King et je ne me souvenais pas non plus qu'il avait sorti cette chanson en 1961. Mais c'est chose faite. Internet, c'est quand même très, très, très pratique pour retrouver des choses qui nous sortent de l'esprit. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'auteur originel, c'est Benny King, et la reprise date de 75 par John Lennon. Et moi, j'ai cru que c'était le contraire. J'ai cru que John Lennon l'avait chanté en premier, et sans savoir en quelle année avait chanté cette chanson Benny King, je pensais que c'était la reprise. Vous avez suivi ? Prenez des notes, je ne dis jamais rien pour rien, sauf quand quelquefois ça m'arrive. On reste sur le même album. Avec cette chanson Slipping and Sliding sur RIG. On monte le son à fond. C'est John Lennon sur RIG jusqu'à 22h ou même plus. Parlé tout à l'heure, lorsque John Lennon va naître en octobre 1975, John Lennon va en profiter pour faire un break parce qu'il s'est dit quelque part, je n'ai pas profité de Julian, je n'ai pas été un bon père pour Julian, je serai un bon père pour Sean. Il va donc prendre 5 ans sans sortir un disque. Il a quand même composé pendant ces années-là, ou pour d'autres, par exemple David Bowie, il a composé Fame. Il restera chez lui à faire du pain, comme il dit, à être dans ses pensées. Et lorsqu'il revient en 1980, il donne des interviews en disant « J'ai 40 ans, je me sens bien, je pense que j'ai tout l'avenir devant moi. » C'est un peu comme si on recommençait tout. Il en a fait une chanson, « Just Like Starting Over » sur l'album Double Fantasy. Et c'est sur RIG. Bah oui. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. The time, no one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, starting over. Starting over. Why don't we take us alone? Take a trip somewhere far, far away. En 1980, il va également composer la chanson pour la femme. D'accord, lui c'était Yoko Ono, mais on peut l'adapter à toutes les femmes qu'on aime. Voici Woman sur RG. Sur cet album Double Fantasy, John avait choisi de faire la moitié des chansons par lui, l'autre moitié par sa femme. Oui, parce que Double Fantasy, il aurait pu l'appeler Fantasy tout court et utiliser les chansons qui paraîtront après sa mort sur l'album Milk and Honey en 1983. En les travaillant vraiment, pas comme là sous forme de maquette plus ou moins travaillée, telle que la sortie Yoko Ono, forcément, après sa mort. Et elle en a profité pour sortir encore des chansons à elle. Bon, mais enfin, on refait pas l'histoire, c'est comme ça. Voici une chanson qui lorsqu'il a composé cette chanson, il a dit « J'aurais bien aimé entendre Ringo la chanter ». On écoute d'abord la version de John Lennon, puis à la suite... Ce sera celle de Ringo. En 2019, il a attendu autant de temps parce qu'il ne savait pas au départ que cette chanson pouvait lui être destinée. Et il reprendra la chanson de John Lennon, Grow Old With Me, deux fois. Une fois par John Lennon et une fois par Ringo Starr à travers le temps. Que Yoko Ono a donné à Paul McCartney, à Ringo Starr et à George Harrison étaient toutes suivant la même structure, c'est-à-dire un piano, une boîte à rythme s'il y avait besoin, et le magnétophone posé sur le piano avec tout le bruit ambiant que l'on pouvait entendre. Donc le travail a été de sortir la voix de John Lennon, de la rendre meilleure, de aussi d'améliorer le son du piano et puis de faire tout ce qu'il y avait autour. On va donc écouter tout ça. Mais juste après la version Grow Old With Me de Ringo Starr. McCartney est à la basse, il a été invité. Come on va terminer cet hommage à John Lennon avec Free as a Bird, Real Love et Now and Then. Pas longtemps, la Grow Old With Me, piano, boîte à rythme et tout ça, on sent qu'il y a eu du sacré boulot quand même. Voici Real Love sur RIG pour bientôt terminer cette saga. Pas d'Eric ce soir, il est au fond de son lit, mais il va bien. chansons Free as a Bird et Real Love ont été faites avec la technologie de 1995. George Harrison avait estimé que pour Now and Then, il n'arrivait pas à faire un son tel qu'il aurait voulu que ce soit. Il n'arrivait pas à bien séparer la voix. Il a fallu attendre 2023 et l'intelligence artificielle pour dire à l'intelligence artificielle, sur cette bande-là, tout ce qui n'est pas la voix de John Lennon, tu l'enlèves. Mais tu laisses la voix telle qu'elle. La voix de John Lennon, c'est bien la voix de John Lennon. Ça n'est pas l'intelligence artificielle qui a agi là-dedans. Voici le dernier cadeau de John Lennon pour nous, Now and Then, sur RIG. One, two. Aujourd'hui, merci d'avoir écouté cette 582e édition de la saga des Fab Four. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. À très bientôt. Salut. Et n'oubliez pas le bonus après le générique. Par Denny Lane sur Back to the Egg. Yeah. hommage en entrée de émission et un hommage à la fin de l'émission. On ne pouvait pas faire mieux pour Danny Lane. À très bientôt. Salut.